Yeah, yeah. Music, please. Like that. Vamos a la playa. La biche. Vicio. Que estará. Yeah. Check this. Yo. Africa, Carpapa, Odisseo. Cabo Verdiano original, praia de sal fenomenal. Hoje dia de calor, tem que aproveitar aquele sabor. Guarda da Martinina, toda alguém tem que levar na praia. Menina, tora boa, uaua. Bonita bocadeira, cubo mama. Riba na tua januta deita, pa namora, senhorita. Soleil la ho, café chaud, jodi a tout mon antlo. Les ladies en maillot, kawaii ne tout bon daio. Ka bronze, ka mache, ka kote tangayo. Beho, beho, W, non a c'est bobo. Ces formes la kaba moi chobo. On peut pas résister bon, des fous de sabon. Assis sa bla, c'est moi qui plie mignon. Cutie bobo, check my flow. Il moun qui dit la plage pas bon. Tout le monde est là, prêt ce soir pour faire la fiesta. Pour Soumia, pas besoin de vodka, juste une bonne virgin colada. J'ai mis mon plus beau bikini pour la plus crazy des parties. Trop de nanas qui bougent leur body, mais ce soir que des VIP. Daddy est là, Elisio est là, ABG est là, Novine pour Chiré ça. Chiré ça, Chiré ça. Ça, bébé. Il y a mon qui dit la plage pas bon. Quand c'est là, moi toujours courbe ça. Café chaud Nico, t'as mangé un petit sorbet coco. Rêve Elisio, et bougon moins beau. Pour l'on sexy, nous pas d'amis. Et pitié, pour se faire rendez-vous minuit pour un bain de minuit. No digidi, no bikini. Pas un fait chichi, et sexy. Faut zovine la toutou. With the top of the list, VIP. Baby, now give me a kiss and expose your bikini. Giancarlo, I hit the bitch in the morning. Oh, see them stupid niggas hit the warning. Cause you know what the chicks they wanna see. Nigga like my people, big ballers with the Benji. So we can tie naked on the sand, we can make it. Show me love, girl, I know you can